Les aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Lotus Bleu. Deuxième épisode. Alors qu'il séjournait tranquillement aux Indes chez son ami le Maharaja de Rawalpindi, le célèbre reporter Tintin a reçu la visite impromptue d'un Chinois venu spécialement de Shanghai pour lui parler. Mais l'homme a été victime du poison qui rend fou avant d'avoir pu délivrer à Tintin son message. Fidèle à son esprit d'aventure, l'intrépide reporter est parti illico à Shanghai pour essayer d'en savoir plus. Or, à son arrivée, un mystérieux japonais du nom de Mitsu Hirato l'a convaincu de retourner aux Indes. Suite à plusieurs événements étranges qui ont failli lui coûter la vie, Tintin a fini par suivre ses conseils et a réembarqué pour Bombay. Comme la nuit est claire ce soir. Viens, Milou. Allons nous promener un peu sur le pont. Je m'occupe de mon os et je te rejoins. Voilà. Tu n'as pas mis trop de chloroforme au moins. Ne t'inquiète pas. Maintenant. Mais qu'est-ce que... Bah, où est-il passé? Tintin? Passe-moi le chiffon. Je vais essayer d'avoir le petit chien aussi. Mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce le mouchoir de Tintin? Le lendemain matin. Mais où suis-je? Tu comprends quelque chose, toi, Milou? Hier soir, nous étions sur le Ranchi en route pour Bombay, et maintenant, nous voilà dans cette chambre. Mais au fait... Où sommes-nous exactement? Nous allons bien voir. Il y a quelqu'un? Voici quelqu'un qui va pouvoir me renseigner. Pardon, monsieur. Oui? Oh non, le fou de chambre. Avez-vous trouvé la voie? Non? Allons, bon, il remet ça. Alors, je vais vous couper la tête. Didi, arrête ça tout de suite. Oui, papa. Cher monsieur, permettez-moi de me présenter. Wang Jingtie. Je suis le père du malheureux que vous venez de voir. Il a été frappé de folie par nos ennemis le soir où il vous avait donné rendez-vous à Shanghai. C'est lui qui était chargé de veiller sur vous là-bas. C'est donc lui qui m'a sauvé la vie par deux fois. Mais puis-je vous demander pourquoi il m'a protégé ainsi? Et aussi la raison pour laquelle on m'a empêché de poursuivre mon voyage. C'est juste. Je vous dois des excuses pour cet enlèvement un peu brutal. Mais le télégramme qui vous a rappelé aux Indes était faux. Mon fils devait vous le dire le soir où vous l'avez vu. Il devait aussi vous demander de prolonger votre séjour à Shanghai. Hélas, il n'a pas pu le faire et vous avez embarqué. Or, il faut absolument que vous restiez en Chine. Que je reste en Chine? Mais pourquoi? Voulez-vous me suivre? Vous allez le savoir. Très bien. Reste ici, Milou. Et sois sage, toi aussi. Et si je faisais l'expérience avec lui? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Vous êtes ici, au quartier général des Fils du Dragon. C'est une société secrète dont le but est la lutte contre l'opium, qui, comme vous le savez, fait d'énormes ravages dans ce pays. Notre plus grand adversaire est un Japonais. Et ce Japonais, vous le connaissez, c'est Mitsu Hirato. Mitsu Hirato? Mitsu Hirato, oui. C'est un agent secret du Japon en Chine et l'un des plus actifs et des plus malfaisants. Car non content de faire de l'espionnage, il a encore parti lié avec des trafiquants d'opium et les aide à répandre partout dans le monde, mais principalement en Chine, cette drogue mortelle. Un espion? Je comprends mieux pourquoi il semblait au courant de tout. Nous avons pensé que vous voudriez peut-être nous aider. Et c'est dans ce but que nous vous avons envoyé un messager aux Indes. Mais Mitsu Hirato, dont les services d'espionnage sont admirablement organisés, l'a malheureusement appris et il lui a fait présent de la folie. Vous êtes parti quand même et... C'est Milou. Je vais vous aider à trouver la voie. Il n'y a rien de grave. Assurez-vous. Je dois simplement vous couper la tête. Milou? Il a disparu. Allons voir dans la chambre de mon fils. Didi? Entrez, mon père. Vous allez assister à une curieuse expérience. Milou, te voilà. Ne bouge pas, je vais te délivrer. Ben, c'était moi une. Didi, ne t'avise plus de recommencer. Mais... Pardonnez à mon pauvre fils, monsieur Tintin. Il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Je sais, monsieur Wang. Ne perdez pas courage. Je vous promets de chercher à découvrir le remède à ce terrible poison. Mais revenons à Mitsu Hirato. N'ayant pu vous empêcher d'arriver en Chine, il a d'abord voulu vous effrayer et vous décider à repartir immédiatement. Comme vous êtes resté, il a essayé de vous faire présent de la mort. Maintenant, il vous croit en route pour les Indes. Donc, tout va bien. Comment puis-je vous aider? Nous savons que Mitsu Hirato correspond avec ses complices par TSF. Par TSF? Mais j'en ai une. Dommage que mon poste récepteur soit resté dans ma malle à bord du Ranchi. Sinon, j'aurais pu... Votre malle vous a suivi, cher ami. Nous n'aurions pas voulu vous priver de vos bagages. Je connais quelques-uns des stratagèmes utilisés par les trafiquants pour communiquer entre eux. Un jour, à Rawashputala, j'ai capté un mystérieux message auquel je n'ai d'abord rien compris. Pendant la traversée, j'ai cherché ce qu'il pouvait bien vouloir dire et j'ai fini par trouver... Il suffisait de prendre les deux premières lettres de chaque mot et cela donnait un énoncé parfaitement clair. Écoutez, en voici un autre sur la même longueur d'onde. Cercle. Solaire. Irlandais. Direct. X. Hémisphère. Uranus. Est. Long. Tube. S. Blanc. Eugène. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le savoir, prenons les deux premières lettres de chaque mot. Alors ? Voilà. Ce soir, 10h, Lotus bleu. Évidemment, ce n'est pas beaucoup plus explicite. Lotus bleu ? Lotus bleu. Attendez. Oui, je vois. Il existe à Shanghai une fumerie d'opium qui porte ce nom. Une fumerie d'opium ? Eh bien, j'y serai ce soir, moi aussi. Et le même soir, à 10h... Entrez, monsieur, je vous en prie. Prenez la couche de votre choix. Merci. Prenons l'air d'être coutumier de ces pratiques. Tous les clients sont endormis. Essayons d'entendre un peu ce qui se dit derrière cette tenture. Voici 5000 dollars pour commencer. Je toucherai la même somme lorsque l'opération aura réussi. Mais n'oubliez pas que si vous bavardez, c'est la mort. Compris ? Ne vous en faites pas. Je sais tenir ma langue. Bien. Alors, allons-y. Et un peu plus tard... Je me demande combien de temps je vais encore pouvoir tenir accroché à cette roue de secours. Pourvu que le trajet ne dure pas trop longtemps. Ouh. Vous avez une nécessaire ? Bien sûr, j'ai tout prévu. Et maintenant, au travail. Qu'est-ce qu'il fait froid? Et que font-ils donc à s'agiter autour de cette ligne de chemin de fer? Tiens, on dirait qu'ils s'éloignent. Je me demande si... Sapristi! Un attentat! Parfait! Voici votre argent. Je vais appeler tout de suite les autorités. C'est la guerre que vous voulez. Allô, la garde tient. Des bandits chinois viennent vous faire sauter là-bas. Bon, ça. Oui. Je suis complètement gelé, moi. Qu'est-ce que c'est ? Là-bas. Quelqu'un. On nous est tombé. Si seulement je pouvais atteindre l'auto. Ça y est, je l'ai. Mais le million de samouraï, Tintin. Ministère de la guerre, Tokyo, stop. Bandits chinois ont fait sauter voie de chemin de fer. Ici Radio Tokyo, l'audace des bandits chinois ne connaît plus de limites. Nous apprenons à l'instant qu'ils viennent de commettre un attentat sur la ligne de chemin de fer reliant Shanghai à Nanjing. Les pillards ont arrêté le train et attaqué les voyageurs. Plusieurs personnes ont été tuées en essayant de se défendre. Le ministère de la guerre a aussitôt fait une déclaration publique. Le Japon doit se souvenir. Il est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient. Gloire à nos soldats héroïques. La guerre, toujours la guerre. Quand donc les hommes seront-ils rassasiés de cette violence? Les chiens, eux-mêmes, ne sont pas si féroces. Ça, c'est bien vrai. Mais que fait Tintin? Il devait être rentré depuis longtemps. À mon avis, il est encore allé fourrer son nez là où il ne fallait pas. Eh bien, moi, je n'attendrai pas plus longtemps. Je pars à chercher. Pendant ce temps... Pourquoi diable m'ont-ils amené ici? Alors, cher monsieur Tintin, comment vous sentez-vous? Où sommes-nous? Détachez-moi! Je vous avais pourtant prévenu que la Chine n'était pas un endroit pour les petits curieux de votre espèce. Que comptez-vous faire de moi? Mais ce qui me plaira, cher ami, vous êtes ici, chez moi, dans la banlieue de Shanghai. Personne ne vous a vu entrer. Personne ne vous verrait jamais sortir si tel était mon bon plaisir. Vous êtes donc à ma merci. Et je puis facilement vous faire disparaître. Mais pour bien réfléchir, je ne veux pas votre mort. Non, j'ai même décidé, au contraire, de vous rendre la liberté. Mais d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Connaissez-vous ceci, mon ami? Le poison qui rend fou. Je vais vous faire une toute petite piqûre. Ensuite, je vous rendrai la liberté. Non, ce n'est pas possible. Non, rassurez-vous, j'ai bien dit... Une toute petite piqûre. Vous ne serez donc pas fou furieux. Seulement un peu dérangé. Vous êtes prêt? Fou. Je vais devenir fou. Et voilà. Vous voyez, ça n'a pas été long. Violette, maintenant, mon cher ami, je vous mets à la porte. Allez, dehors. Tintin est content. Oh, hey, bon voyage. Allez, Oli, Tintin est content. Mais où peut-il bien être? Cette voix, c'est lui. C'est Tintin. Tintin. Ma parole, il est ivre. Tralala, ou bien il est fou. Et ce brave Milou qui me regarde comme si j'avais perdu la raison. Mais non, Milou, rassure-toi, j'ai toute ma tête. Comment se fait-il d'ailleurs que je ne sois pas réellement fou? Il m'a pourtant bel et bien piqué. Zhang vient de rentrer, vénérable. Ah, Zhang, tu en as mis du temps. As-tu bien surveillé la maison de Mitsuhirato, comme je te l'avais demandé? Oui, maître. Et j'ai vu Tintin fait prisonnier. J'étais caché dans l'autre pièce. J'ai remplacé le Rajaija par de l'eau. Ah. Et le véritable poison, je vous l'ai rapporté. Le voici. C'est bien. Je te félicite, Zhang. Je me suis également occupé de son poignard et de son pistolet. Mais le milliard de samouraïs. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a volé le Rajaija. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je retrouverai Tintin. Il ne peut pas être bien loin. Et si nous allions manger quelque chose? Le voilà. Tandis-tu, Milou. Mon cher, tu ne t'en tireras pas ici. Tiens, pourtant j'aurais juré que mon Browning était chargé. Heureusement, il me reste mon poignard. Aïe! Malédiction! Cette lame est en fer blanc! Et ça? Aïe! C'est aussi du fer-blanc, sans doute. Une heure plus tard... Commandant, je suis sujet japonais. J'ai failli être assassiné par un jeune européen. Un espion au service des Chinois. Vous connaissez son nom ? Oui. Elle s'appelle Tintin. Cette soupe de nouilles m'a fait le plus grand bien. Et maintenant, il s'agit de retourner chez Monsieur Wang. Hé, psst. C'est à moi que vous parlez ? Tu es Tintin. Celui dont la tête est mise à prix par les Japonais. Quoi ? Ton visage est affiché sur tous les murs de la ville. Les Japonais ont promis 5000 yens à celui qui te livrera. Et alors, comment vais-je pouvoir sortir de Shanghai ? Écoute, tu vois ces deux tonneaux ? Ils sont à moi. Je suis porteur d'eau. Bon, vous pouvez sortir maintenant. Quelle merveilleuse cachette que ces tonneaux. Merci infiniment. Jamais je n'oublierai que tu m'as sauvé la vie. Oh, ne me remercie pas. C'est tout naturel. Mon frère tira pousse-pousse. Et l'autre jour, tu l'as protégé contre un diable étranger. Mais maintenant, je dois te laisser pour retourner travailler. D'accord. Merci encore. Bonne chance. Un chic type, n'est-ce pas, Milou ? Tintin, rentrez, vénérable. Tintin, vous revoilà enfin. Je désespérais de jamais vous revoir. Et moi donc, cher monsieur Wang ? Ainsi donc, voici ce mystérieux poison qui a déjà fait tant de ravages. Et dire que sans l'initiative de votre serviteur, j'allais moi aussi en être la victime. Que se passe-t-il ? Jean-Pierre, notre fils a une nouvelle crise de folie. De grâce, essayez de le calmer. J'y vais. Pauvre Madame Wang. Si seulement on pouvait rendre la raison à son fils. Mais là, c'est impossible. À moins que... Oui, mais il y a une chance sur mille. Courage, madame. Demain matin, j'irai à Shanghai et je ferai analyser le poison qui a fait perdre la raison à votre fils. Peut-être, qui sait, pourra-t-on trouver un antidote pour le guérir. Puisse le ciel vous entendre, monsieur Tintin. C'était Le Lotus Bleu, d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Michel Favori, Monsieur Wang. Thierry Ancis, L'Homme de Main. Bruno Raffaelli, Gibbons. Christian Blanc, Mitsui Rato. Laurent Natrella, le tenancier du Lotus Bleu. Serge Bagdasarian, Monsieur Mikado. Clément Hervieux-Léger, Didi. Jérémy Lopez, Milou. Louis Arène, le porteur d'eau. Noam Morgenstern, Tintin. Didier Sandre, le narrateur. Dominique Blanc, Madame Wang. Julien Frison, le speaker japonais. Et les voix de Mariana Granchi, Théo Combi-Lemaître, Hugues Duchesne et Laurent Robert. Coach en prononciation, Yeling Yang. Bruitage, Sophie Bissance et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Alison Ascrisi et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.